Chapitre 111. Une lettre à l'oncle Franz. Un homme d'honneur. La dette du père acquittée par le fils. Que notre nom soit sans tache, et que devant personne nous n'ayons à en rougir. Le lendemain, au moment de quitter Phalsbourg, l'oncle Franz reçut une lettre de Bordeaux. Lettre courte, simple, 10 lignes seulement, mais ces 10 lignes imprévues lui causèrent une telle émotion qu'il faillit se trouver mal. Franz, disait la lettre, vous aviez placé toutes vos économies chez mon père, et sa ruine vous a absolument ruiné, vous aussi. Elle en a ruiné beaucoup d'autres, malheureusement, et le but le plus cher de ma vie sera de les rembourser tous. Je ne le puis que très lentement. Néanmoins, comme de tous les créanciers de mon père, vous êtes celui auquel il s'intéresse le plus, je veux commencer par vous le devoir que je me suis imposé d'acquitter, peu à peu, tous les engagements de mon père. Présentez-vous donc à la banque, V. Delmore et compagnie, rue de Rivoli, à Paris. Il vous sera versé sur la présentation de vos titres les 6 500 francs qui vous sont dus. André, Julien, s'écria l'oncle Franz en ouvrant ses bras aux deux enfants et en les serrant étroitement sur son cœur. Remerciez Dieu avec moi et n'oubliez jamais le nom de l'homme d'honneur qui vient de m'écrire. André lut la lettre tout haut. Julien écoutait, les yeux grands ouverts, de surprise. Est-ce possible ? S'écria-t-il. Alors, mon oncle, nous ne sommes plus pauvres et nous pourrons nous aussi cultiver un petit bien comme vous le vouliez. « Oh, mon Dieu, quel bonheur !» Et l'enfant riait de plaisir en disant « Nous aurons de belles vaches comme la fermière de Selles. J'apprendrai à labourer, à tailler les arbres, à soigner les bêtes. N'est-ce pas, mon oncle ? Oh, que ce monsieur est brave et honnête, tout de même, de rembourser ainsi les dettes de son père. Mon oncle, je prierai Dieu pour lui tous les jours de ma vie. » « Tu auras raison, Julien, dit l'oncle, car ce souvenir te rappellera constamment que l'honneur vaut toutes les fortunes du monde. Un honnête homme estime plus haut que tout le reste un nom sans tache. »